بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. On commence aujourd'hui ces دروس ان شاء الله في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من آداب طالب العلم أنه يجب عليه أن يحترم علماء السنة ويحترم معلمه. وذكر الإمام السعدي رحمة الله عليه بعض الآداب، فمن يذكر منها؟ تفضل. نعم. quel comportement مثل ماذا؟ plus précis. نعم. أنه يظهر أنه محتاج إلى هذا العلم. كذلك. نعم. ne pas couper la parole. ça c'est مهم. أنه s'il y a quelque chose, il a besoin de quelque chose, il lève la main. حتى يكوب pas la parole. لأن الشيخ أو المدرس أو المتكلم عموما si sa parole elle est coupée ربما il ne se rappelle plus ربما il ne veut pas répondre maintenant en levant la main tu lui donnes une force أنه il peut finir sa parole il t'a vu il finit sa parole ثم il te donne la parole il te laisse parler هذا c'est مهم وطالب العلم لا يستعجل في surtout dans les دروس de vouloir poser ces questions en plein dars. Là, il y en a beaucoup de réponses, elles viennent pendant le dars. Si tu attends pendant le dars, tu écoutes bien. Si tu as un problème, tu le notes. Tu as un cahier toujours avec toi. Au coin d'une page, tu notes. Si ta question dans le dars, on a traité le sujet, alhamdulillah, tu n'as plus besoin. Si ça n'a pas été traité, à la fin du dars, c'est pour ça que souvent, nous, à la fin du dors, on laisse un temps à nos frères. On dit si quelqu'un n'a pas compris. Cette plage de temps, c'est fait pour elle. Elle m'a se précipité au début. Au bar de l'Ikhwan, Obama, il entend un mot, il lève la main. Ouais, t'as dit ça, mais j'ai pas compris. Ça va venir. Il y en a le dors, c'est un tout. Et avec cette tariqa, Inch'Allah, tu couperas pas la parole au mudarris, au muallim. Et thaniyan, tu verras que beaucoup des questions que tu te poses, la réponse, elle est dans le dors. كذلك من الآداب تفضل. نعم. Et ça montre que ce talib, il veut ce ilm. Que ce talib, il est motivé. Il vient avec le livre qui est étudié. Il vient avec un cahier, avec des stylos. Il prend des notes. Ça montre qu'il respecte ce ilm et il respecte celui qui donne ce ilm. كذلك تفضل نعم احسنت الدعاء pour le متعلم pour le معلم المعلم il fait pour الطالب كذلك il a cité رحمه الله عليه parmi les bons comportements à avoir si le مدرس se trompe ou le شيخ se trompe فماذا عندكم في هذا ce qui résume تفضل de pas se précipiter en voulant dire que il a fait une erreur parce que peut-être que c'est quelque chose que nous on n'a pas compris. Ahsant, awalan ne pas se précipiter. Il y en a beaucoup de choses ou certaines choses on peut croire que c'est une erreur et c'est pas une erreur. Surtout si celui qui parle il a plus de ilm que toi. Robama il a cité une chose que toi tu maîtrises pas. Et beaucoup de personnes quand ils connaissent pas une chose, ils pensent que cette chose elle est fausse. Alors que c'est une chose qui est haq lakin que tu connais pas. فلهذا قيل من جهل شيئا عاده celui qui ignore une chose il combat cette chose ça c'est beaucoup de personnes ils sont à la هذه الطبيعه beaucoup de personnes ils sont à la هذا s'il ignore une chose il la combat نحن non on doit faire attention à هذا on peut ignorer et on ignore beaucoup de choses et c'est حق que ça soit des choses qui sont liées à notre dîn ou des choses qui sont liées à dunya on ignore et c'est حق et on n'a pas à combattre ou à penser que c'est faux là. Fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. La solution, c'est poser la question. Si c'est haq, tu prends, si c'est faux, alhamdulillah, tu sauras que c'est faux, mais à l'ilm. Ne pas se précipiter, kadhalik. Hein, faddal. Ne pas dire au savant, tel savant, il a dit ça. N'am. N'am. Ça, c'est min adab, quand on pose une question, si la réponse, tu connais la réponse d'un autre savant et le shir, il répond avec une autre réponse, c'est pas min adab de lui dire, mais shir, un tel, il a dit. Lui, Robama, il sait mieux que toi que shir, un tel, il a dit. Lakin, tu lui as posé la question. Et quand on réfléchit bien, quand tu lui as posé ta question, tu lui as pas dit, est-ce que je veux une réponse et est-ce que tu connais la parole de shir, un tel? Tu lui as pas dit ça. Tu lui as demandé sa réponse. Il t'a cité sa réponse. Ama shir, un tel, il a dit, c'est une autre chose. Si tu veux vraiment connaître est-ce que la parole de tel shir elle est juste ou pas, tu poses la question à un savant, shir, ma qawluk, qu'est-ce que tu penses de telle fatwa? Et lui il va te répondre. Il va te dire, imma elle est juste, imma elle est fausse avec ce qu'il a. Ah, mais tu poses une question. Thomas, la réponse, elle n'est pas adaptée à ce que tu veux toi. Thomas, mais shir un tel il a dit. Tout le monde sait que shir un tel l'a dit, mais ce n'est pas ça le sujet là. Donc, talib al-ilm, il doit bien se concentrer. Et ne pas s'éparpiller. Ça, c'est muhim. Concentre-toi et quand tu traites un sujet, reste sur ce sujet. Mais s'éparpiller, tu perdras ton temps et tu n'avanceras pas, fais l'ilm. Kadhalik, on avait dit al-khata, par rapport au khata lui-même. Si le khata il a été établi, on n'a pas le droit de suivre. Non, on n'a pas le droit de suivre. Si l'erreur, c'est une erreur, il y en a, al-ulama, ils ne sont pas dans son monde. L'erreur, on n'a pas à la suivre. Lakin nahnu l'an dans ce livre, comme Cheikh Saadi te montre, tu trouveras des erreurs chez certains prêcheurs, chez certains savants. Lakin, la question l'an, c'est comment se comporter. Avec ce savant de la sunna qui s'est trompé, l'erreur, elle est rejetée. Lakin, le savant, son honneur, elle est préservée. Et on l'aime, fillah. Et on le conseille, on lui montre, etc. Et min al-adab, kadalik, anna celui qui ne sait pas, mada yaqul. Allahu a'lam. Si, c'est pas que ce soit le mudarris, le mu'allim, le shir, l'élève, l'ignorant, celui qui sait pas, il dit Allahu a'lam. Et on a démontré que Allahu a'lam, ça élève al-qa'il, celui qui dit Allahu a'lam, il est élevé indallah, li'annahu, il a du tawadha, il est modeste, et il connaît son nafs, et kadhalik, il sera élevé vers al-ibad, al-salihin, li'annahum, ils sauront qui parle du ilm, et quand il ne sait pas, il sait s'arrêter. Et ça, c'est important. Kadhalik, un talib al-ilm, il doit savoir s'arrêter. Ta motivation, elle ne doit pas te pousser à dépasser les limites. Tu ne sais pas, arrête-toi. Tu ne maîtrises pas, arrête-toi. C'est trop compliqué pour toi, arrête-toi. Fais quelque chose de plus simple, et tu verras que tu avanceras. Donc, ne pas s'éparpiller, et s'arrêter. Quand il faut s'arrêter, c'est très important pour Attal. Et ce genre de livre, c'est fait pour ça. Pour te montrer les limites. Qala Cheikh Saadi rahmatullah alayhi, après avoir cité les fawa'id de qu'on peut tirer quand al-shaykh ou al-alim il dit Allahu a'lam, il a cité ma yata'allaq bil munadhara. Qala Cheikh Abd al-Salam al-munadhara bayna al-muta'allimin. Al-munadhara bayna al-muta'allimin. Al-munadhara, c'est le fait de dialoguer, de discuter sur un sujet. Tunadhir sahibak. Maintenant, aujourd'hui, on a traité un sujet. Thumma, entre vous, vous parlez de ce sujet. Dans cette discussion, dans ce dialogue, tu dois avoir un comportement. Li'anna awwalan, c'est ton frère. Avec la personne avec qui tu vas parler, c'est ton frère. Thaniyan, vous parlez de ilm, de din. Troisièmement, le but de cette munadhara, c'est de profiter. Donc, tu n'es pas là pour imposer ton qawl. Kadhalik, tu n'es pas là pour suivre aveuglément un autre. Donc, si c'est pour parler, pour avancer, chacun veut le haq, avec le respect, avec l'écoute. Tu écoutes ton frère et lui, il t'écoute. Inch'Allah, il y aura du khayr. Et bien sûr, avec des limites. Discuter dans des choses qu'on maîtrise. Amma, les choses que tu ne maîtrises pas, mets tes forces dans le talab. Ijtahid. Fais des efforts dans l'apprentissage. Et Inch'Allah, tu avanceras. Qala Shur-Sa'di rahmatullah alayhi wa mimma yu'in ala hadha al-matloub annahu yaftah al-mu'allim lil-muta'allimin bab al-munadara fi al-masail wa l-ihtijaj. Nahnu, on a cité al-munadara entre les tullab, kadhalik al-munadara avec le professeur. Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'on essaye de faire, walillahi alhamd, dans les durus, quand on pose des questions, quand on traite un sujet avec nos frères, on leur laisse la parole. Les mains, les yannas, awalan, ils vont être plus concentrés. Il y en a, vous avez remarqué que quand le mudarris il parle beaucoup, sans interruption, et il ne pose pas de questions, rupama at-talib ahyanan, surtout s'il est fatigué, il n'arrive plus à suivre. Ça arrive. Enfin, parmi les méthodes pour remotiver tout le monde, c'est al-munadara. Tu poses des questions. Le professeur, il pose à ses élèves. Et pour voir est-ce qu'ils suivent. Tu crois que tu as compris. Le mudarris, il te pose une question, tu réponds avec ce que tu penses que c'est haq, que tu as compris, c'est juste. Et la réponse, elle est fausse. Et c'est normal. C'est normal, surtout au départ. Dans ce cas-là, le mudarris, il comprend que tu n'as pas compris ce qu'il a voulu dire. Il corrige. Et toi, tu profites. Là, c'est important. Qala. Qala annahu yaftah al-mu'allim lil-muta'allimin bab al-munadara fi al-masail wa al-ihtijaj wa an yakun al-qasd wahidan wa huwa ittiba' ma rajjahathu al-adilla. Et ça, c'est important. C'est ça le but. C'est ça le but quand tu parles avec un frère. Quand vous discutez d'un sujet avec ton mudarris, ton but c'est al-haq, suivre al-haq et ittiba' ma rajjahathu al-adilla. Ce qui tranche quand tu discutes, quand tu as un dialogue, quand tu polémiques ma'a wahid, ce qui tranche c'est al-adilla. C'est pas toi qui as forcément raison, c'est pas celui qui hausse le ton qui a forcément raison. C'est pas celui qui parle beaucoup qui a forcément raison. C'est pas celui qui est le plus âgé qui a forcément raison. C'est pas celui qui a le plus de ilm qui a forcément raison. C'est important, Hada. Pourquoi? Parce qu'on doit donner de l'importance aux preuves du Coran et de la Sunna. Comme a dit Azza wa Jal, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, فَإِنْتَنَازَعْتُمْ, et si vous divergez, vous dialoguez, vous n'êtes pas d'accord, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. C'est ça al-miza. C'est pour ça que Cheikh Sa'di قال وَهُوَ اتِّبَعْ مَا رَجَّحَتْهُ الْأَدِلَّ. Et on n'a pas le droit de suivre autre que الْأَدِلَّ. فَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نقل الإجماع, l'unanimité des savants, que لا يجوز لأحد de suivre autre que le Coran et la Sunna si il connaît la preuve du Coran et de la Sunna. On n'a pas le droit. Lakin, tout ça bien sûr avec un comportement. Si toi tu as des preuves, l'autre en face rompement il a des preuves et tu te remets toujours en question. Quand tu discutes avec un frère, avec ton shir, avec ton mudarris, remets-toi toujours en question. Un akat, tu n'as pas forcément le haq. Tu vas voir que ça va te reposer. Les anna, ceux qui ont un mauvais comportement, ou qui s'emportent, ou qui s'énervent, ou qui ne patientent pas, en général, c'est parce qu'ils pensent qu'il a haq. Et dès qu'ils tombent sur une personne, pour lui, ils pensent qu'il n'est pas d'accord avec lui, et il arrive à répondre à ses arguments, il s'énerve. Amma, il se mettra en position, je suis un talib, je suis là pour apprendre, je suis là pour avancer, mon but c'est le haq. Peut-être que le haq il est vers cette personne. Il laisserait les portes ouvertes. قال الشيخ سعدي فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين. Si le but de tout le monde c'est le haq, Inch'Allah, cette assise, elle sera bénéfique, profitable. Il y en a le but, c'est le haq. Si le but, c'est le haq, si quelqu'un emmène un délil, wadih, à sa place. Un dalil min kitabillah ou min sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam, appuyé avec la parole des salaf, la parole de nos savants, tout le monde va être satisfait. Là, le but c'est le haqq. Mais si le but c'est j'ai forcément raison, si le but c'est mon cheikh il doit avoir raison, si le but c'est pourquoi tu contredis un tel, pourquoi tu contredis ils sont beaucoup, même si un dalil il est cité, ça fera que des problèmes. Qala وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق وكان القصد الأصلي معرفة الحق واتباعه. Le but principal c'est de connaître le haq et après d'appliquer. C'est ça le but. Le but c'est pas d'avoir raison. Ça c'est un marad. Vouloir avoir raison. Là, tu dois être satisfait si le haq il est mansour. Même si c'est pas toi qui avais ce haq. Tu es content si ce haq, wallahi alhamd, il est appuyé, il est secouru, il est propagé. C'est ça qui doit te satisfaire en tant que sunni. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ça c'est la base, ce verset في المناظرة في التنازع في الخلاف. On doit revenir. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة ومشاورة ومناصحة. هكذا أهل العلم وطلبة العلم qu'ils ont profité. أنهم يتناظرون. Ils parlent, ils discutent de sujets, ils dialoguent. Et ils s'entraident. مشاورة. Peut-être que tu as un ilm que j'ai pas. Peut-être que tu as plus étudié le sujet que moi. Est-ce que tu as la parole d'un savant? Est-ce que tu as un autre dalil? Qu'est-ce que tel cheikh il a dit dans tel mas'ala? Tu profites. كذلك مناصحة. Conseil. ربما tel frère il a eu un manque. وربما قال ومناصحة وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية. Et ça c'est, il n'y a aucun doute à ce sujet. Combien de مسائل العلماء اختلفوا فيها. اختلفوا, ils s'aiment في الله, c'est des frères, ils ont la même عقيدة, le même منهج, لكن il y a un خلاف. قال مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. Tant que ce n'est pas un خلاف qui fait du mal au mu'taqad, qui fait du mal au manhaj de la personne, il ne contredit pas asl min usul ahl as-sunnah. Tu es un sunni, lakin il te khalif dans une mas'ala fi usul al-fiqh, ou dans le fiqh, ou une mas'ala dans plein de choses ma'roufa fi kutub ahl al-ilm, ça provoque pas, comme a dit Cheikh al-Islam, annahu c'est plus ton frère, tu préserves plus son honneur. Ça c'est pour celui qui veut le haqq. L'annahu, il sait que ce frère ou ce shir, il l'a contredit dans un sujet, et ce sujet, c'est pas un sujet, si tu le contredis, tu sors de la sunna. Donc pourquoi ce serait plus ton frère? Pourquoi ça serait un égaré? Si tu veux le haqq, il n'a pas contredit al haqq. Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il a un ijtihad qui est khalif un autre ijtihad, لكن أنت تدورvenir الكتاب والسنة. Est-ce qu'il a contredit le haq ام لا? Et s'il a contredit, est-ce que cette mas'ala elle fait sortir de la sunna ام لا? قال ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. Si à chaque fois que deux musulmans ils divergent, ce musulman il hagère son frère, يطعن فيه, c'est un égaré, il n'y aurait plus de isma et de khouwa, il n'y aurait plus de fraternité, plus de respect entre les musulmans. Il y en a, tout le monde diverge dans certains points. Tu prends mas'alat al-salah, on a tous dans la salat une chose que l'autre ne fait pas. Alors on n'est pas d'accord sur un point. Mais ça reste ton frère. Al-ulama ikhtalafou, les écoles juridiques ikhtalafou dans plein de points. Nous, le but c'est tibaa al-haq. Et si on est des talabat al-ilm et on parle d'un de ces sujets, on parle bi-atab. Et on a déjà cité plusieurs fois que le khilaf, il y a plusieurs catégories. Khilaf ou tabad. Khilaf, annahu, si wahed est contredit dans ce point, qui fait partie des fondements de la sunnah, qui fait partie de al-aqida, al-salafiyya, al-mujma' alayha, et est contredit dans un de ces points, enfin, c'est grave. Mithla al-jahmiyya. Ils ont contredit le sunnah dans plusieurs points. C'est de dhalal. Zanadiqa. Mithla al-rafidha. Mithla al-mu'tazila. Mithla al-asha'ira. T'as des masa'il al-khilaf fiha yasour. Comme a dit Ahlul Ilm. C'est un khilaf qu'il y a entre Ahlul Ilm et chacun il a son dalil. Bel, roubama, ils ont le même dalil. Lakin, sont pas d'accord dans la compréhension. Comme le fait de mettre les mains après le recours, est-ce que tu les mets sur ta poitrine, amla? Comme le fait de bouger le doigt, fit tahiyat, fit tashahud. Et beaucoup de masa'il, fait le fiqh. Fa fi hadha al-had, al-mujtahid, il a une récompense, min ahl al-ilm, bien sûr. Et celui qui se trompe, min ahl al-ilm, il a une récompense. Et nous, en tant que talabat al-ilm, en tant que ahl al-sunnah, on revient au dalil. Et on respecte Ahl al-Ilm, comme on l'a vu dans le cours précédent. هذا خلاصة القول. وقال ابن كثير رحمة الله عليه في قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال بالتي هي أحسن. Avec un bon comportement. قال ابن كثير رحمة الله عليه أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين. Donc si tu as besoin de montrer, de dialoguer avec un wahid, فبالتي هي أحسن, c'est-à-dire la douceur, tout doucement, وحسن خطاب, et avec des bonnes paroles. هذا كلام طيب. Tout ça, bien sûr, c'est avec أهل السنة. أما أهل البدع والضلال والانحراف فاحذر. Ne polémique pas avec Ahlul Bida'a. Ne dialogue pas avec Ahlul Bida'a. Tu feras du mal à ton din. Enfin, tout ce qu'on a cité auparavant, nahnu, c'est avec ton professeur sunni. C'est avec tes frères, tes amis, talabat al-ilm, Ahl al-Sunnah. Il khayr, il baraka, c'est fi sunnah. Amma al-Bida'a, ça te fera perdre ton temps. Ça t'écartera du droit chemin. Et t'avanceras pas. Falihada, as-salaf, il mettait en garde de polémiquer avec Ahl al-Shur ou al-Bida. Fahada Ayyub, al-Sikhtiyani, rahmatullah alayhi, qala, kana Abu Qilaba, rahimahullah, al-Imam, yaqul, la tujalisu Ahl al-Ahwa, wa la tujadiluhum, fa inni la aman an yagmisukum fi al-dhalalah. أو يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم انتهى من كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه لا تجالس أهل الأهواء نفخكنت با أهل الأهواء المبتدعة ولا تجادلوهم et c'est ça le شاهد لا تجادلوهم ne rentre pas en jidal avec un مبتدع en ضل il veut pas le حق لأن تذكرون الشيخ سعدي رحمة الله عليه il a montré أن المناظرة pour qu'elle soit profitable et bénéfique, il faut que l'objectif de tout le monde, c'est le haqq. Amma, il ne veut pas le haqq. Il n'accepte pas le haqq. Falimada, tu perds ton temps. Si tu veux lui montrer le haqq, il n'accepte pas. Falimada, tu perds ton temps. Amma, ba'd al-nas, pourquoi il jade al-ha'oula? Léna, rubbama, son but, ce n'est pas de montrer le haqq. Son but, c'est de montrer qu'un tel, il a raison, ou lui, il a raison. Ça le pousse à vouloir secourir son nafs. Et il se fait du mal. Surtout l'époque où on vit avec les réseaux sociaux et tous ces programmes dans les téléphones, c'est une mosiba. Tu trouves واحد متعمدا يجادل un takfir. Et il a pas de ilm lui-même. Et tu lis certains dialogues, wallahi tastaghrib. T'es étonné. Le mauvais comportement, les insultes. Robama, un dialogue d'une heure, il n'y a aucun délit. Thomas, il te dit, ce frère, je le conseille. Conseille nafsak. Prends conseil de Ahl al-Ilm. T'es un sunni, un salafi haqqan. Prends le conseil de Abu Qilaba. La tujalisu Ahl al-Ahwa. Wa la tujadiluhum. A ton avis, pourquoi Ayyub, al-Sikhtiyani, l'élève de Abu Qilaba, et tous ses grands imams, Mohamed ibn Sirin, al-Hassan, al-Basri, Sufyan al-Thawri, l'imam Malik, tout cela, pourquoi c'est devenu des imams? Parce que, ba'd tawfiq Allah Azza wa Jal, une des causes, c'est qu'ils ont préservé leur din. Et ils n'ont pas jadal ahl al-ahwa ou al-bida. Ils ont préservé leur aqidah et leur manhaj. Amma nahnu, un frère, il débute. Wallahi wa'aduhum, il a du mal à réciter le Fatiha. Avec, avec le hurufa à leur place, avec le makharij correctement, avec le tajwid, il a du mal. Thomas, il va et jadal dans les réseaux sociaux qui barre ahl al-bida. Pourquoi vous avez dit, mais il envoie un lien, l'autre lui envoie un lien, et ça part. Et à la fin, il n'y a aucun fruit. Lui, il veut pas le haq, il veut t'égarer, et un tas, même si tu as une bonne intention, tu n'as pas assez d'ilm. Tu te mets en danger, faqat. Et le mouchkila, c'est que ça leur prend des heures, hein. Ça leur prend des heures. Bardohom, ils sont nuit et jour dans les réseaux sociaux, et ils envoient des messages à Haoula, à Haoula, à Haoula, toute la journée. Thomas, les autres, ils répondent, donc il est obligé de regarder. S'il ne prend pas une ambiguïté, une choubha, il est obligé de répondre, et toute sa journée, c'est fihad. Aïna hifd al-Qur'an. أين حفظ السنة؟ أين دراسة العقيدة والتوحيد؟ أين التفقه في دين الله عموما؟ كما في الصلاة، كما في الطهارة، في الحج، كما في الحج؟ أين هذا؟ الدين s'est fondé sur des fondements, des bases. بني الإسلام على خمس قال النبي صلى الله عليه وسلم. Les cinq piliers de l'islam. كذلك les six piliers de l'Iman. كذلك les fondements في العقيدة. Tout ce qui est al-wala wal-bara wal-asma wal-sifat wal-iman bil-ghayb. Tout ça, tu dois faire des efforts, ya akhil karim. Kadalik la langue arabe. Tu dois faire des efforts fi hada. Si tu ouvres la porte au jidal, tu ouvres la porte au jidal ma'a ahli al-ahwa, tu n'auras plus une minute pour faire ça. Tu seras pris par dunya, et l'autre partie, tu seras pris par al-jidal. Et ta'lamoun anna, t'es un être humain et t'as 24 heures comme tout le monde. Et si tu enlèves les heures qui restent, après le sommeil, après la nourriture, après le travail pour ceux qui travaillent, à Obama, il te reste quelques heures. Si ces heures ne sont pas préservées et tu n'as pas la bonne méthodologie avec l'ikhlas et tu ne suis pas les conseils de Ahl al-Ilm, tu perdras ton temps. C'est pour ça qu'on trouve des frères, Nasallah subhanahu wa ta'ala, l'hidayah lil-jamia, à Obama, ça fait 5 ans, 10 ans, il est fait à da'wati salafiyya et il ne connaît pas grand chose du Coran, pas grand chose de Sunnah. Pas grand chose de le fiqh, l'aqidah il n'a jamais étudié. Le temps il est perdu. Ou un Hisham, yani ibn Hassan, rahimahullah, qala ja'a rajulun ila al-Hasan. Ta'ammalu ces athar qu'on cite pour vous montrer al-manhaj al-sahih dans cette mas'ala. Qala fa qala ya Aba Sa'id. Cet homme il est venu voir al-Hasan al-Basri, rahmatullah alayhi, Abu Sa'id. قال تعال حتى أخاصمك في الدين. أي il veut polémiquer معه. Il l'invita. Je vais te montrer. قال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني. Il lui a dit أما أنا الحمد لله je connais mon din. فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. Il lui a dit moi je connais mon din والحمد لله. Si toi t'as perdu ton din va le chercher ailleurs. Préserve sa foi et préserve son manhaj رحمه الله عليه. لماذا لأن استطمئن كهذا الرجل son but c'était pas le haq. Il aurait voulu le haq, il aurait dit يا أبا سعيد montre-moi tel sujet. أما الآن il a dit أخاصمك في الدين. Et nous on le voit là dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux, on le voit أنه il insulte, il provoque. Tu trouves واحد il rentre معه. يا أخي laisse-le, fais دعاء الله سبحانه وتعالى il te préserve de son char et il préserve les musulmans de son char et fais des études, des efforts في العلم. والله أشد على ما يكون على أهل الأهواء c'est que tu fasses des efforts في طلب العلم. ثم يفوئ des دروس propagées, يفوئ des traductions propagées, يفوئ des livres expliqués, يفوئ des خطب, يفوئ des فتاوى, يفوئ du نور. والله c'est la chose qui leur fait le plus de mal. Et c'est ce qu'ils aiment les musulmans, ce khair. Donc الحمد لله tu propageras le haq. Amma toute la journée, pourquoi? Il a dit Thomas, des mauvais comportements, des mauvaises paroles, tout ça sur internet. Allah alam, qui c'est que t'es en face de toi? C'est un être humain ou c'est un djinn? Madidri. Et toute la journée, toute la journée, toute la journée. À la fin, le cœur, il est dur. Aucune faïda. Robama, ton père ou la ta mère, ils ont besoin d'une mas'ala fassiyam, par exemple. Une petite chose. Fassiyam ou fit tahara, ils ne peuvent pas revenir à toi. Léana, t'as pas le temps. T'es pas prêt. قال محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه صاحب الشريعة كتاب عظيم قال من كان له علم وعقل celui qui a du علم et qui a la raison فيرى جميع ما تقدم ذكري له أي dans son كتاب الشريعة قال من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج للعمل به تسالبت العلم et d'appliquer. قال فإن أراد عز وجل به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم في كل عصر منهج أهل السنة القرآن la sunna et le suivi des أئمة avec la compréhension des أئمة. قال وتعلم العلم لنفسه لينتفع عنه الجهل. C'est ça notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas on apprend pour faire le jidal. Je vais montrer que je veux savoir, je vais bloquer Foulain. Ce n'est pas ça le but. Le but, comme on l'avait expliqué dans la sincérité, l'intention, c'est que j'enlève l'ignorance, je m'écarte de l'ignorance. La sincérité. قال ولم يكن مراده أن يتعلمه أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا. Donc le but, c'est pas al-mira, wal-jidal, wal-khusumat. Tout ça, on le traduit par la polémique. C'est pas ça le but. Ad-din, c'est pas quelque chose que tu utilises comme tu veux. Ad-din, c'est tata'abbad lillahi subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, c'est pas pour ad-dunya. قال ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة. Celui, son objectif c'est هذا, Inch'Allah, il sera préservé min al-ahwa, les passions, wal-bida' wal-dalala. Ça te montre anna, la plus grande cause que tu vois qu'un tel il s'égare min al-sirat al-mustaqib, c'est al-jidal. Al-jidal al-fariq. قال واتباع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وسأل تعالى أن يوفقه لذلك. نعم كذلك tu fais الدعاء même si tu t'écartes أهل البدع والشر et tu polémiques pas, fais الدعاء qu'Allah te préserve. لأن si toi tu vas pas eux, ربما eux essaieront te faire du mal, fais الدعاء à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te préserve. Celui, lui-même, il va. Lui-même, il se fait du mal. Al-Mubtadi', il est loin. Il ne sait même pas qu'il existe. Il l'ignore et c'est lui qui veut. Ah, là, il se fera du mal. Celui qui approche du feu, il se brûle. قال فإن قال قائل وإن كان الرجل قد علمه الله عز وجل علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه ويخاصمه طرى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله. Il demande à l'imam al-Ajurri, ou l'imam al-Ajurri, rahmatullah alayhi, il pose une question. Si un homme il a du ilm et un autre il vient, min ahli al-ahwa, pour polémiquer avec lui dans le din, qu'est-ce qu'il fait? Pourtant il a du ilm. Qala, hadha alladhi nuhina an. C'est ça qu'on ne doit pas faire. Et c'est ça qu'on a été interdit de faire, de polémiquer ma ha'oula, même si tu as du ilm. Que dire celui qui n'a pas d'ilm? Al-Hassan, on a lu le athar. Al-Hassan al-Basri, c'est min a'immat al-muslimin. Il lui a dit, idhab, va chercher ton din. Préserve son din. Qala, qila lahu, hadha alladhi nuhina anhu, wa huwa alladhi hadharna man taqaddam min a'immat al-muslimin. On a lu athar Abi Qilaba et Al-Hassan. Fa'in qala qail, fa madha nasna'. Et ça, beaucoup de frères, ils se posent cette question. Mais si on le laisse propager son batil, qu'est-ce qu'on doit faire? On reste les bras croisés et il faut parler. Min hadha al-kalam. Esma' nasihat hadha al-imam. Qila lah in kana alladhi yas'aluk mas'alatahu mas'alat mustarshid ila tariq al-haq la munadara fa arshidhu. Amma celui qui veut le haq, il demande. Ya ikhwan, envoyez-moi un audio. Ya ikhwan, passez-moi un livre. Ya Ikhwan, expliquez-moi ce sujet. Celui qui a du ilm, tafaddal. Hadha ar-rajul yuridu al-khayr. C'est lui-même qui demande. On n'a pas le droit de cacher l'ilm. Lakin qala qala fa arshidhu bi arshad ma yakun min al-bayan bil ilm min al-kitab wa as-sunnah. Lakin ce bayan, c'est pas avec ce que toi tu penses. Ou shir un tel. Là, ce bayan, il est avec qala Allah, qala ar-rasul, avec la compréhension de ahl al-ilm. وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين bien sûr c'est le حق qu'on propose. قال وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك أو مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء. أما si c'est pour polémiquer, tu sais très bien qu'il ne veut pas le حق. Vous avez déjà ressenti هذا أحيانا بعض الناس ils parlent, tu sais qu'il ne veut pas le حق. Son comportement, où il veut en venir, comment il formule ses phrases, etc. Tu sais qu'il ne veut pas le haq. Bel, ahyanan, on t'informe. Te dit, il ne veut pas le haq. Ou c'est un munharif, un mubtadi, un dala, ma'rouf, inda ahle l'ilm, il rejette le haq. Comment tu trouves un hadith al-jadl? Qala, fahadha alladhi kariha laka al-ulama, fala tunadhirhu. Ne polémique pas ma'ah. Wahdharhu ala dinik. Fais attention à ton din. كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. Ça, ça nous montre أن السلفية c'est pas une étiquette. سلفية c'est pas un qamis avec une chachia avec l'apparence et c'est tout. Là, ça c'est une partie. Une partie من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم qu'on doit faire et l'autre partie on doit pas l'oublier. المعتقد الصحيح المنهج الصحيح revenir à أهل العلم le bon comportement. C'est ça السنة. قال فإن قال ندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. Est-ce qu'on se tait et on les laisse propager leur باطل? شبهة. شبهة. لأن si tu conseilles بعض الناس بهذا, il va te dire, mais est-ce qu'on se tait? Mais il propage le باطل, il a beaucoup de suiveurs. قال الإمام محمد ابن الحسين الأجري سكوتك عنهم وهجرتك أي الهجر لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. Le fait que tu te taises, tu le hajar lillah, c'est un munharif, un dal. بعضهم c'est des zanadiqa. Et tu propages l'ilm. هذا c'est أشد ما يكون عليهم. C'est la chose la plus dure pour ce munharif. Il y en a, il est ignoré, tu lui donnes aucun poids et tu propages l'ilm. Ce ilm qui déteste, qui combat, toi tu le propages. Ah ben pourquoi tu veux absolument le convaincre? Il ne veut pas. Il ne veut pas. Bardanas, ils ne veulent pas. Fir'aoun, il a refusé. Iblis, il a refusé. Abu Jahl, il a refusé. Pourtant, ceux qui leur faisaient da'wa, c'est des anbiya, des rusul. Celui qui ne veut pas, arrête an. Kada qala man taqaddama min as-salaf as-salih min al-ulama ou min ulama al-muslimin intaha. C'est ça, manhaj as-salaf. Wallahu musta'an. Fal-hadar. Al-Hadar, on conseille nos frères, nous, Al-Hadar, surtout l'époque où on vit. À l'époque de Ha'ul al-A'imma, de Sahib al-Sharia, de Al-Salaf al-Salih, il n'y avait pas cette moussaïba qu'on a l'an. Tout le monde est connecté, tout le monde est proche, tout le monde se parle, tout le monde s'envoie des messages. Et c'est pour ça que tu vois que Dhal al-An tachar. Tu trouves par un nas, mais c'est un musulmin, il a des choubouhats de Daesh, de Al-Qaïda, de Al-Khawarij, mais ce qu'il ne les a jamais rencontrés. Comment elle est venue cette choubha à lui? Mais elle l'a toute la journée. Toute la journée derrière son ordinateur. Il a dit, il n'a pas dit, il regarde. Bardoum, ils ont essayé, soi-disant, les conseillers. Ne crois pas que toi tu conseilles et en face il va se taire. Toi tu conseilles, lui il va te conseiller encore plus. Les anachetan, il le pousse. Et si ta hujja n'est pas assez forte et il arrive à te convaincre, tu fais quoi? Tu deviens un khariji comme lui. Viens, on ferme les portes. Les efforts que tu fais pour conseiller Haoula, fais-les fil ilm. Apprends le Coran, commence par le Fatiha et avance. Apprends Sunnah, apprends les 40 Nawawi, fiha khayr azim. Apprends Mu'taqad Ahl Sunnah. Tu verras qu'ils vont te montrer comment te comporter avec Ahl al-Bida'i wal Ahwa. Et tu préserveras ton din. Kadhalik, et on répète si, entre nous, il y a une munadhara, on se conseille, on parle d'un sujet. Kadhalik, entre nous, le bon comportement, rifq. Et al-kalam bid-dalil, لأن بعضهم ربما يدiscute et Fulan il a dit, il n'y a pas de source. J'ai entendu, on m'a dit. Comment ça perd du temps? Là, t'as quelque chose à dire, parle bi-ilm. T'as pas quelque chose à dire, laisse ceux qui ont l'ilm parler et nous on profite. Et dans certains salons, dans ces réseaux sociaux, tu trouves, même entre nos frères, kalam, il est long. Ils discutent. Shaitan y rentre. Les personnes sont froid. Ça divise tout le monde. Pour une mas'ala, elle était très simple. On revient à Ahl al-Ilm. Et ce sujet dans lequel on n'est pas d'accord, où il y a une munaqasha, munadara, on cite la parole de Ahl al-Ilm avec le dalil. Tout le monde l'apprend. Et alhamdoulilah, on passe à autre chose. Ne pas ouvrir les portes. Haqiqa, ces réseaux, ils ont ouvert des portes de char. Et wallah, des portes de char. On ne parle même pas de ceux qui les emploient fil fassad. Ça, c'est un char wabih. Nous, on parle même de l'ilm. Soi-disant, c'est fait pour propager l'ilm. Et fil haqiqa, le ilm qui est propagé. Et si tu compares avec le mal, les dégâts qui sont faits, Allah subhanahu wa ta'ala l'afia. Nous conseillons nos frères d'apprendre à la tariqat al-salaf. Fil masajid, s'ils peuvent. Si tu es dans un bilad où, alhamdulillah, le masjid il reste ouvert, où il y a des doros avec Ahl al-Sunnah, profite-en. Si tu peux pas faire en masjid, avec les livres. Avec les livres. Si t'as pas de professeur, il y en a. Si t'as pas de modèle, si t'as pas de shir, tu t'aides avec des audios. De ulama sunna, si tu comprends l'arabe. Ou de ahl al-khair, si c'est dans une autre langue. Kadhalik, on conseille nos frères de faire des efforts dans la mémorisation. Haqiqa, celui qui est pas dans un marquez de ahl sunna, ou il a pas un modèle pour lui faire des doros, maintenant, le conseil se consacre au hifz. Et on voit certains de nos frères, ils veulent tlob l'ilm, thumma Allah subhanahu wa ta'ala le waffaq dans un marquez ou chez un frère. Thumma, on voit que niveau hifz, pendant des années, c'est vrai, ils n'ont pas pu tlob l'ilm. Ils étaient dans un endroit, ils n'avaient pas d'ilm. Lakin, fil haqiqa, toutes ces années, ils auraient fait des efforts dans la mémorisation, ils auraient de l'avance. Du Coran, ils connaîtraient al-arba'in, al-nawawiyya, minimum. Ils connaîtraient Al-Usul al-Thalat, Kitab Tawhid, Al-Wasitiyya, tous ces livres Mufid, Al-Lamiyya, Cheikh l'Islam, Amdat al-Ahkam. La mémorisation, tu peux mémoriser tout seul. Même si c'est mieux à deux, à trois, à plusieurs pour se motiver. Mais même si tu as un rythme très lent, en quelques années, tu peux apprendre les 40 Nawawi. L'un, il y a une mouchkila. Si pendant des années, tu n'arrives pas à apprendre 40 hadiths, l'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Inma dunya. La personne est prise par Dunya, imma elle est prise par l'fitan qil wal qal. Nous conseillons nos frères hada et désespère jamais. Fais des efforts dans la mémorisation. Vu que tu n'as pas de professeur, tu n'as personne pour t'encadrer, al Qur'an. Tu apprends avec un récitateur. Wa min ahsanihim al-Hudaifi, waffaqahu Allah. Il a une voix tayyiba et il récite tout doucement et t'apprends. Et t'écoutes. Et tu prononces, t'essayes de prononcer, de réciter comme lui. Et sans faute. Et tu vas voir que, avec le temps, alhamdulillah, t'auras appris juz amma, t'auras appris juz tabarak, t'auras, et t'avances, walillahi alhamd. C'est ça qu'on conseille nos frères. Et désespère pas, avec cette tariqa, rupama Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre les portes. Tumma, imma, tu t'lob l'ilm chez un shir, chez un savant, chez un talib l'ilm, et alhamdulillah, t'as de l'avance. T'as de l'avance. Le temps que tu étais bloqué seul, tu n'avais pas de modérisme, alhamdoulilah, tu avais ton programme. Ça, c'est important. Lakin, celui qui est occupé par le batil, il n'y aura plus de place pour le khair dans son cœur. Celui qui est occupé, dunya, Thomas téléphone, Thomas les réseaux sociaux, Thomas un tel il a dit, Thomas vu que Wahed il a cité une shubha, il faut des jours pour y répondre. Thomas cette shubha, elle divise tout le monde. Thomas, mauvais comportement. Thomas, tu t'écartes. Est-ce que c'était ça, manhaj al-salaf? Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, l'imad, il a repoussé cet homme. L'imad, il n'a pas le temps. Il doit réviser le Coran, il a des élèves. Il doit propager l'ilm. Et l'un, toi, jusqu'à de nos jours, l'un, tu profites de leurs efforts. Ils auraient fait comme nous, au ma'ad Allah, cette génération qu'on a, le nour qu'on a reçu, manhaj al-salaf, le kitab wa sunnah, Tu l'aurais jamais vu. On a une mas'oulia, nous, par rapport aux générations, nos enfants et ceux qui viennent après, on a une mas'oulia. Lakin, c'est une autre époque, l'an. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa as-sadat. Et demain, inshallah, on verra ma yata'allaq bi at-ta'assub. C'est la suite. Amal an, dahab al-waqt. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مع تحيه دماج افاق.com